Le 14 novembre 1888 à 13h, le président Sadi Carnot inaugurait les deux bâtiments pavoisés de drapeaux tricolores, premiers édifices, sortis de terre de l'Institut antirabique de Paris, qui deviendra très rapidement l'Institut Pasteur. La légende raconte que Louis Pasteur, trop ému, n'a pu lire son discours qu'il a donc confié à son fils. 130 ans après, l'Institut Pasteur est un réseau d'établissements mondial présent dans 33 pays, qui emploie 23 000 personnes, dont 1 500 chercheurs qui travaillent en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, et qui a vu 10 de ses chercheurs récompensés par le prix Nobel. Ce sont ces 130 ans d'histoire que nous allons vous raconter. « 130 ans de l'Institut Pasteur, piqûre de rappel », c'est l'histoire prophylactique qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nos deux narrateurs pasteuriens du jour sont Maxime Schwartz, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous autour de cette table. Vous êtes ancien directeur général de l'Institut Pasteur, chercheur au CNRS et donc toujours à l'Institut. Et bonjour Michel Morange. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à Sorbonne Université, membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, vous le savez, cette émission en direct sur les ondes de France Culture, en différé sur le site de France Culture, franceculture.fr, en podcast sur l'application qui est celle que vous préférez, et comme toujours, en tout cas, et c'est peut-être le plus important, en parallèle, via notre fil Twitter, @laméthodefc, où nous postons chaque jour un certain nombre d'études, de schémas, de graphiques, de compléments d'informations pour accompagner ce qui va être dit au cours de cette émission. Ceci étant dit, et bien comme pour chaque émission, nous sommes allés fouiller dans notre boîte archive, un peu en croisant les doigts, hein, puisque cette boîte archive, c'est vrai qu'elle est profonde, elle est abondamment fournie à Radio France, dans l'espoir donc secret de trouver un vieux cylindre avec l'enregistrement de cette inauguration du 14 novembre 1888. Là, nous n'avons pas réussi à remonter aussi loin, mais nous avons tout de même trouvé un autre enregistrement. C'était un peu plus tard, pour un anniversaire, les 50 ans de l'Institut Pasteur en 1938, et c'est Valéry Radeau, le petit-fils de Pasteur, qui s'exprime. Écoutez. L'Institut Pasteur a étendu ses filiales dans le monde, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Afrique occidentale, en Afrique équatoriale, à Madagascar, en Indochine, en Chine. Ces jours-ci, un nouvel Institut Pasteur a été fondé à la Martinique. Demain, c'en sera un autre au Cameroun. Dans chacune de ces colonies, les instituts pasteurs répandent les bienfaits de la science pasteurienne, luttent contre le choléra, la peste, la fièvre jaune, le typhus, le paludisme. Elle serait bien belle à écrire, cette histoire des pasteuriens qui, depuis 50 ans, ont essaimé sur le monde. Leur vie est faite de courage, de dévouement, d'abnégation. Formés aux disciplines de la maison de Pasteur et de Roux, ils vont joyeux, créés dans la brousse, sous les climats hostiles, parmi les maladies meurtrières, ces laboratoires ou ces instituts, qui sont les auxiliaires les plus précieux de notre pénétration pacifique parmi les populations de l'Afrique et de l'Extrême-Orient. On peut dire que l'Institut Pasteur et ses filiales ont bien mérité de la France et de l'Empire français. Voilà la voix de Louis Pasteur, Valéry Radeau, petit-fils de l'autre Louis Pasteur. Peut-être une réaction à cette archive que vous venez de découvrir, Maxime Schwartz. Bien, bon, c'est très émouvant d'entendre cela. On peut tout de suite dire une chose, c'est que c'est vrai qu'à l'époque en question, les instituts Pasteur étaient dans les colonies françaises, dans l'Empire français, mais les choses ont beaucoup évolué depuis, dans la mesure où d'une part, beaucoup de ces colonies sont devenues indépendantes et où d'autre part, de très nombreux instituts ont été créés dans des pays qui n'ont jamais rien eu à voir avec l'Empire français. Donc il existe effectivement aujourd'hui 33 instituts Pasteur, ou en tout cas instituts faisant partie du réseau international des instituts Pasteur, et cela dans le monde entier, sur tous les continents. Michel Morange, sur cette archive. Oui, et effectivement... L'accent donné par le petit-fils de Pasteur sur l'association entre les instituts Pasteur et les colonies est un peu une vision fausse, même si il y a eu beaucoup d'instituts Pasteur dans les colonies. Comme le dit Maxime, dès le début, il y a eu des instituts Pasteur qui n'étaient pas dans les colonies françaises. Donc, la volonté de Pasteur et de ceux qui l'envoyaient, c'était vraiment de diffuser les découvertes de la microbiologie. Bien sûr, les colonies étaient un terrain privilégié, mais bien au-delà, dans tous les pays prêts à les recevoir. On va reparler évidemment tout au long de cette heure de cette histoire, et qui est évidemment liée à l'histoire de la France, donc à son histoire coloniale, et on en reparlera tout à l'heure. Certains des premiers instituts Pasteur d'ailleurs sont installés en Indochine, d'autres ensuite évidemment on le verra aux États-Unis, on le racontera tout à l'heure. Peut-être un mot avant de rentrer dans cette histoire, qui est une sorte de question impossible que je vais vous soumettre à l'un et à l'autre pour débuter. Quel est, dans ces 130 ans d'histoire, le moment historique, l'élément de cette histoire des instituts Pasteur qui vous est le plus cher, à l'un et à l'autre, Maxime Schwartz? C'est une question difficile. Hein. Une question difficile. Impossible, peut-être. Je dirais que des travaux qui m'ont frappé tout particulièrement sont ceux sur la sérothérapie qui ont été faits par Roux, et de façon plus générale, ce qui a concerné d'abord l'identification de la toxine diphtérique qui a été faite à l'Institut Pasteur l'année de l'ouverture de l'Institut Pasteur, et ensuite une découverte qui a été faite en parallèle par Roux et par Bering en Allemagne, du fait que si on injectait cette toxine à des animaux, toxine partiellement inactivée, ceux-ci faisaient des anticorps, on a appelé ça anticorps plus tard, contre la toxine. Et ils ont montré que si on prenait du sérum d'animaux auquel on avait injecté la toxine à des diphtériques, on arrivait à soigner les diphtériques. Donc ça a été la première fois qu'on avait un traitement efficace contre une maladie infectieuse. Et le prolongement de la sérothérapie, ça a été en fait les vaccins découverts par un autre pasteurien, Ramon. Donc je pense que là, c'est un ensemble extrêmement important, à la fois pour la thérapie des maladies infectieuses via la sérothérapie et les vaccins, avec le vaccin contre la tétanos, contre la diphtérie, puis le tétanos. Michel Morange. Moi, je vais évoquer peut-être un de ces pasteuriens d'outre-mer qui ont fait une œuvre remarquable, c'est Alexandre Yersin, à la fois par ses découvertes fondamentales, mais aussi par la manière dont il s'est installé au Vietnam, à la fois à développer donc la méthode pasteurienne, la diffuser, mais en même temps aussi c'est vraiment intéressé au pays, à enquêter sur les populations, sur leurs habitudes, et au point d'avoir été révéré, on peut dire, par les habitants et admiré pour son œuvre et sa personnalité. Donc le versant humain, en quelque sorte, de cette action des pasteuriens. Yersin, qui est l'un des premiers instituts Pasteur au Vietnam, justement, enfin en Indochine, en 91, avec Calmette, on y reviendra tout à l'heure. Reprenons peut-être un peu l'histoire par le commencement, par le début. Alors, on ne va pas refaire l'histoire de la vie de Pasteur à laquelle nous avions déjà consacré une heure entière en votre compagnie. D'ailleurs, Maxime Schwartz, on va vous remettre le lien vers cette émission sur notre fil Twitter. Mais peut-être faut-il redire un peu ce qui, en termes d'avancée médicale, précède et accélère finalement cette souscription qui va donner lieu à la fondation de cet institut antirabique de Paris, Maxime Schwartz. Bon, alors Pasteur était déjà très connu grâce à ses travaux sur les fermentations, sa démonstration que les fermentations étaient dues à des microbes, ensuite sa démonstration qu'on pouvait éliminer les mauvais microbes des vins en les chauffant, et ça a été la découverte de la pasteurisation, ses travaux démontrant qu'il n'y avait pas de génération spontanée, et puis ça a été les travaux sur les maladies infectieuses, avec la contribution, avec notamment Robert Koch en Allemagne, de la première démonstration qu'une maladie infectieuse était due à un microbe. En l'occurrence, c'était le problème du charbon chez les ovins et les bovins, et puis les travaux sur les vaccins. Ça a commencé par les vaccins contre des maladies animales, dont notamment le charbon. Et là, s'inspirant des travaux qui avaient été faits par Jenner un siècle plus tôt, Pasteur s'est dit que si on atténuait les microbes, si on leur faisait perdre leur virulence, eh bien, on pourrait peut-être avoir quelque chose qui vous protégerait ensuite contre les microbes virulents. Les travaux de Jenner, c'est les travaux sur la vaccine contre la variole. La vaccine contre la variole. Mais quand Jenner a fait ses travaux contre la variole, variole, c'était très empirique. Il se trouve qu'il y avait chez les animaux, chez les bovins, une maladie bénigne qui ressemblait à la variole, et donc il a donné la vaccine pour protéger contre la variole. Mais Pasteur, lui, qui avait compris que les maladies infectieuses étaient dues à des microbes, s'est dit, ben, on va essayer de faire la même chose, de trouver des variétés atténuées des microbes qui pourraient ensuite protéger contre les microbes virulents. Donc il a fait des travaux qui ont été très remarqués, notamment sur le charbon. Et puis ensuite, il a voulu s'attaquer à une maladie humaine et il a choisi la rage, non pas parce qu'elle était très répandue, mais parce que c'était une maladie qui terrorisait les populations. On mourait dans des conditions épouvantables. Les gens avaient très peur de chiens qui avaient l'air pas très catholique. Et donc, il s'est dit, si j'arrive à empêcher les gens qui ont été mordus par des chiens enragés d'attraper, de contracter la rage, eh bien, enfin, on va croire vraiment à mes théories. Donc, il s'est attaqué à la rage. Très compliqué parce qu'il s'agissait d'un virus qu'il ne savait pas à l'époque, donc il ne pouvait pas le cultiver, il ne pouvait pas le voir au microscope, mais il est arrivé en inoculant, disons, commençant par la salive de chien enragé dans le cerveau de lapin, puisqu'il a travaillé avec des lapins, où là, il a rendu les lapins enragés, et ensuite, à partir de la moelle de ces lapins, il a atténué la virulence en faisant sécher la moelle. Et il a montré qu'avec ces fragments de moelle séchée, on pouvait, si l'on les inoculait à des chiens d'abord, on arrivait à les protéger contre la rage. Et ensuite, un jour, on lui a amené un garçon, Joseph Meister, qui venait d'Alsace. Il n'avait pas encore tout à fait des résultats, disons, entièrement convaincants avec les chiens, mais il s'est laissé convaincre. Et il a fait l'inoculation à Joseph Meister, qui n'a pas contracté la rage, bien qu'il ait été mordu très gravement par un chien enragé. Donc ceci a entraîné un enthousiasme considérable, aussi bien en France qu'à l'étranger. Un enthousiasme totalement exagéré si on regarde les choses aujourd'hui, parce que avoir un seul résultat sur un enfant qui n'aurait d'ailleurs peut-être pas attrapé la rage parce qu'on l'avait pas à tous les coups quand on était mordu par un chien enragé. Mais enfin bref, le monde entier a été convaincu que Pasteur avait vaincu la rage, et donc il y a eu une souscription nationale puis internationale qui a permis la construction d'un institut qui était censé traiter les gens mordus par un animal enragé pour qu'ils n'attrapent pas la rage. Qui était un dispensaire à l'origine, hein, au tout départ. C'est ça. Au départ, c'était ça, mais les résultats de la souscription étaient tels qu'on a pu construire un institut où on a pu faire beaucoup d'autres choses que simplement protéger les gens contre la rage. Ce qu'on peut raconter pour donner l'ampleur, effectivement, de ce phénomène autour de ce vaccin anti-rabique et de l'affaire Joseph Meister, c'est que il y a même des enfants américains qui partent de Newark, qu'on met sur un bateau, qui sont suivis par la presse pour venir à temps. Vont-ils arriver à temps? Vont-ils déclarer la rage avant? Il y a vraiment un enthousiasme mondial qui se crée autour de ce vaccin antirabique, Michel Morange. Oui, et à mon avis, c'est un enthousiasme d'ailleurs qui va avoir des conséquences à long terme, qui va bien au-delà de l'enthousiasme immédiat, le succès remporté par Pasteur, mais ça va être aussi au fond l'approche pasteurienne, la vaccination, qui vont bénéficier de cette publicité extraordinaire. Et je pense que, par exemple, aux États-Unis, la création, quelques années après, de l'Institut Rockefeller, ce qui est aujourd'hui l'Université Rockefeller, sera d'une certaine manière la conséquence du succès que Pasteur avait rencontré dans la guérison de ses enfants de Newark. Parce que avant la construction, avant le lancement de cette souscription nationale qui va devenir internationale, Pasteur est installé rue d'Ulm à l'école normale, et on a beau pousser les murs, il n'a vraiment plus de place ni pour traiter, c'est-à-dire en tant que dispensaire, ni pour exercer ses recherches avec les élèves qui eux aussi affluent en grand nombre pour apprendre cette méthode pasteurienne, Maxime Schwartz. Oui, c'est exact. Bon, il avait un laboratoire extrêmement restreint à l'école normale, il avait pu obtenir une annexe pas très loin, rue Vauclin, où une partie des travaux étaient faits, ou d'ailleurs où certains de ses collaborateurs étaient logés, mais c'était totalement insuffisant, surtout à partir du moment où devait affluer un très grand nombre de personnes qui voulaient se faire vacciner. Et j'ajouterai une chose sur les enfants de Newark, c'est que non seulement il y a eu l'Institut Rockefeller quelques années plus tard, mais en fait sur le champ, quatre instituts Pasteur ont été créés aux États-Unis, et s'ils s'étaient maintenus, ils auraient été créés avant ça aurait été les l'Institut premiers. Pasteur à Paris. En fait, à New York et à Chicago notamment. Voilà. Donc ils n'ont pas, ils ont été éphémères et ça n'a pas duré. Mais c'est pour montrer quand même l'importance qui a tout de suite été donnée à ces travaux. Et comme le disait Michel Morange, c'est pas seulement la vaccination contre la rage, mais derrière, c'était le principe général des vaccins. Et on peut dire que si Jenner a inventé la vaccination, puisque c'était la première fois qu'il a pu protéger des gens contre une maladie infectieuse, c'est Pasteur qui a montré qu'on pouvait faire des vaccins à partir des micro-organismes pathogènes. Et une chose qui est souvent pas comprise, c'est que alors que les premiers vaccins contre les maladies animales étaient effectivement des microbes atténués, qui était ce qu'il cherchait au départ, il a compris assez rapidement que dans le cas de la rage, c'était pas des microbes atténués, mais ce qu'il a appelé une substance vaccinale associée au virus, et en fait du virus tué. Et ça, il l'a compris, et ça ouvrait la voie à une deuxième grande catégorie de vaccins qui sont soit des micro-organismes tués, soit même, on le fait maintenant, des molécules provenant de ces micro-organismes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons des 130 ans de l'Institut Pasteur. Alors pour le moment, on met l'Institut Pasteur au singulier parce qu'on va parler de ce premier Institut Pasteur qui a été inauguré par le président Sadi Carnot le 14 novembre 1888. Après 2 ans de travaux, là aussi express, hein, on apprend et on lit dans la littérature que quand Sadi Carnot lance cette inauguration, il n'y a que les 2 bâtiments de briques que l'on connaît qui sont sortis. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti de terre. Le deuxième qui est en face a été construit en 1900 seulement. D'accord. Donc on inaugure très rapidement en tout cas cet institut anti-rabique. La légende dit, Michel Morange, que Pasteur est trop ému et qu'il le fait lire son discours par son fils. C'est une légende qui est restée, qui s'est construite, une légende qui appartient à l'histoire des sciences, ou c'est une vérité historique? Je ne sais pas. Pasteur avait déjà eu un accident vasculaire cérébral et il était déjà un peu affaibli physiquement. Donc je ne sais pas si c'est l'émotion ou si c'est sa maladie qui l'a empêché de lire le discours à cette époque. Par exemple, il avait déjà commencé à laisser une partie du pouvoir, l'Institut, à Émile Duclos, qui va jouer un grand rôle dans justement l'organisation de l'Institut Pasteur, le recrutement des chercheurs, l'organisation des différents laboratoires. Pasteur a pris un peu de recul par rapport à ce moment-là, par rapport à ses activités antérieures. Pasteur va survivre 7 ans encore, hein, après l'inauguration de l'Institut. Il va s'y installer d'ailleurs avec sa femme. On ira visiter tout à l'heure ses appartements dans le reportage du jour. Une chose importante, c'est que dès le départ, pour Louis Pasteur, il est très important que ce ne soit pas qu'un dispensaire antirabique, mais que ce soit un établissement avec 3 vocations distinctes mais précises. Un dispensaire, certes, mais également un centre de recherche et un centre d'enseignement, Maxime Schwartz. Oui, c'est parfaitement exact. Je reprends juste un instant ce que disait Michel Morange, c'est qu'on oublie souvent que Pasteur a eu cet AVC, comme on dirait aujourd'hui, quand il avait 46 ans, et que les travaux pour lesquels il est plus connu aujourd'hui, il les a faits alors qu'il était en grande partie paralysé sur le côté gauche. Alors ce que vous dites est exact, c'est-à-dire que d'emblée, Pasteur a souhaité que non seulement on traite les gens qui ont été mordus par des animaux enragés, mais qu'on fasse des recherches sur les maladies infectieuses, et qu'on fasse un enseignement de la nouvelle science qu'était la microbiologie. Et en fait, l'Institut Pasteur a ouvert ses portes le 14 novembre 1888, comme vous l'avez dit, et dès le printemps 1889, un des principaux élèves de Pasteur, qui est Émile Roux, a ouvert le premier enseignement qui s'appelait de microbitechnique, qui était en fait le premier cours de microbiologie. Peut-être un mot également, et ça va être très important pour la suite et pour la diffusion de cet esprit pasteurien et de ces instituts, sur les élèves. On a cité déjà quelques noms, on a cité Calmette, Roux, Yersin. On peut parler aussi, très important, de Metchnikoff, qui va recevoir le prix Nobel, qui est l'un des pionniers aussi en immunologie. C'est-à-dire qu'autour de Pasteur et de l'Institut vient de se cristalliser vraiment la crème de la crème, si vous m'autorisez cette expression, de toutes cette nouvelle discipline qui s'ouvre au monde et à la science de la microbiologie, Michel Morange. Oui, alors ces élèves sont d'immunologie. Sont de nature et de formation différentes, parce que certains sont par exemple des jeunes normaliens que Pasteur a connus lorsqu'il était directeur des études à l'école normale. Comme par exemple Émile Duclos, qui est qui a été élève de Pasteur quand Pasteur était à l'école normale supérieure. Il y en a d'autres comme Émile Roux, lui qui avait une formation de médecin et qui rejoint Pasteur à cause de l'intérêt des recherches. Et puis vous avez cité Elie Metchnikoff. Lorsque Elie Metchnikoff vient voir Pasteur, il est déjà un chercheur reconnu, il a déjà fait des découvertes sur la phagocytose, mais Pasteur va voir immédiatement dans ses découvertes et dans son approche des phénomènes immunitaires, une approche tout à fait originale, et c'est lui qui va demander à Metchnikoff de rejoindre l'Institut. Donc Pasteur a su agréger autour de lui des chercheurs de, disons, à des niveaux différents de leur formation ou de leur carrière. Il y a une catégorie de chercheurs, d'associés à Pasteur qui est très importante et qu'on a tendance à oublier, sont les vétérinaires. Bien sûr. Et notamment Nocard, qui a joué un rôle très important. C'était très difficile de faire diffuser les théories pasteuriennes dans le milieu vétérinaire. Et Nocard a été un de ceux qui y ont le plus contribué. Et en plus, il a contribué aux recherches. Tout ce qui concernait les animaux, c'était Nocard qui le faisait. Il y a un autre qui est très important, qui est Chamberlain, qui a développé un certain nombre d'appareils de grande importance, comme les autoclaves, par exemple. Ou bien c'est lui qui a mis au point une bougie filtrante qui permettait d'éliminer les bacilles de la typhoïde de l'eau de boisson. Donc c'était des petits filtres qu'on pouvait mettre au robinet de la maison pour ne pas attraper la typhoïde, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de typhoïde. Donc il y a comme ça beaucoup de... Et Chamberlain était aussi un élève de l'école normale, sauf erreur. Oui, Michel Morand. Auquel il faudra aussi rajouter d'ailleurs les médecins militaires, parce que ça va être une autre catégorie de pasteuriens qui vont jouer un rôle en particulier dans les instituts Pasteur d'outre-mer. Mais assez tôt. C'est-à-dire ? Je crois que le premier, ça devait être Calmette, je pense, non ? Effectivement, oui. Calmette. On va sans doute peut-être un peu parler de Calmette. On va parler de Calmette. Si vous voulez, on peut parler de Calmette maintenant. Non, peut-être. En même temps, on va parler de la même chose. Mais la question que je voulais vous poser, c'est que c'est vrai que dans ces jeudis consacrés à l'histoire des sciences et notamment l'histoire de la physique, on parle souvent de révolution copernicienne, et c'est des mots de révolution scientifique avec lesquels on est plus timide dans le domaine des sciences du vivant, de la biologie. Il faut bien comprendre que l'Institut Pasteur cristallise un champ de la science qui s'ouvre et qui est vraiment la bascule de la médecine et de la biologie dans l'histoire contemporaine, en fait, ni plus ni moins, Maxime Schwartz. Oui, c'est certain. Mais déjà, Pasteur lui-même a découvert un nouveau monde. Pour moi, je compare souvent à Christophe Colomb. Depuis toujours, l'humanité vit au milieu des microbes, mais elle l'ignorait. Et c'est quand Pasteur a commencé à montrer qu'il y avait des microbes partout, dans l'air, dans l'eau, partout, qu'on a pris conscience de ce monde qu'on ignorait. Et l'importance de ce monde des microbes, évidemment, ensuite est apparue pour tout ce qui concernait la santé publique avec le rôle des microbes. Et pour ce qui est de la médecine, une étape très importante a été la démonstration que des microbes pouvaient causer des maladies. Et à partir de ce moment-là, alors que la médecine se contentait précédemment de décrire les maladies un peu par les symptômes, à partir de ce moment-là, on a commencé à décrire les maladies par leurs causes, qui pouvaient être des microbes et éventuellement autre chose. Et ça a été une révolution en matière de médecine. Michel Morange. Ça a changé beaucoup, d'ailleurs, la vie des familles, parce que quand on regarde avant la révolution pasteurienne, dans toutes les familles, même de la classe bourgeoise, en général, on perdait un, deux ou trois enfants de maladies infectieuses très tôt pendant l'enfance. Et ça a été vrai pour Pasteur, ça a été vrai pour Darwin, ça a été vrai pour beaucoup des grands noms qu'on cite de la science, par exemple, et les artistes et autres. Les familles n'arrivaient jamais complètes, les enfants... Plusieurs enfants mouraient. La révolution pasteurienne ne va pas faire disparaître en un jour ce phénomène, mais elle amorce la disparition de cette mortalité infantile très élevée. Le début de l'hygiénisme, l'entrée dans la modernité, on commence à découvrir qu'il faut se laver les mains sur un champ opératoire, des choses qui nous paraissent simples aujourd'hui, mais qui sont le béaba finalement de l'application de ces recherches, de ces découvertes pasteuriennes. Justement, sur le plan de la recherche, quand on regarde les débuts de l'Institut Pasteur, c'est un vrai bourgeonnement de découvertes. C'est-à-dire que ça va très très vite, Maxime Schwartz. Les premières découvertes sont incroyables sur ces premières années-là. J'ai déjà mentionné, on a d'ailleurs tous les deux mentionné parmi les plus importantes du début, qui ont été d'une part la découverte de la toxine diphtérique. Donc c'était la première fois qu'on montrait qu'un microbe pathogène produisait un poison, et donc le responsable de la maladie, c'était le poison. Ensuite, la démonstration que ce poison inoculé à des animaux pouvait produire des anticorps. C'est en fait le début de l'immunologie. Et là, c'est quand même une co-découverte franco-allemande. Et donc, grâce à ça, on a pu sauver un très grand nombre de diphtériques. Et alors, la même année, en 1894, ça a été la découverte du bacille de la peste par Yersin à Hong Kong. Donc, ça, c'était les premières très grandes découvertes. Alors, un petit peu plus tard, ça au début dans les années 1920, il y a eu deux grandes étapes. La première, ça a été les vaccins contre la diphtérie et le tétanos. Alors, comment ça s'est passé? La sérothérapie, eh bien, on injectait à des animaux une toxine partiellement inactivée et ça provoquait chez les animaux l'apparition d'anticorps. On aurait pu dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'injectait pas directement la toxine un peu inactivée aux gens, de sorte qu'ils fassent eux-mêmes leurs anticorps? Mais la toxine était quand même encore trop toxique, ça n'était pas possible. Et Ramon a montré que si on traitait la toxine avec du formol, on l'inactivait totalement, donc elle était plus dangereuse, mais elle était encore capable de provoquer une immunité. Et c'est en fait cette toxine totalement inactivée qui est devenue le vaccin contre la diphtérie qu'on utilise encore aujourd'hui essentiellement. Et le cas du tétanos, c'est la même chose, c'est aussi une bactérie qui produit une toxine, et c'est donc la toxine tétanique inactivée qui fait le vaccin. Donc ça, c'est première chose très importante. Disons en passant d'ailleurs que Ramon aussi a inventé les adjuvants. Et puis en parallèle, c'est le moment où le BCG a été découvert par Calmette et par Guérin, en partie Institut Pasteur de Lille et en partie Institut Pasteur de Paris, le vaccin contre la tuberculose. Michel Morange, sur cette efflorescence de découvertes et sur ce continent qui est arpenté très très rapidement et qui permet aussi rapidement d'immuniser la population contre des maladies qui nous paraissent dont on ne se souvient plus aujourd'hui en 2018, alors qu'elles décimaient une grande partie de la population encore. Ben, je crois que Maxime a parlé à la fois de la diphtérie et de la tuberculose. Je pense que tuberculose, un tiers des morts en Europe au début du XXe siècle. Hein. Et je pense que c'est ça qui est significatif, parce que la rage, c'est vrai, comme Maxime l'a dit, que c'était une maladie qui faisait peur, mais qui touchait finalement assez peu d'individus. Par contre, la diphtérie et la tuberculose, c'était des maladies qui avaient des effets majeurs. Et donc, avec à la fois la sérothérapie, puis le vaccin pour la diphtérie, et puis la vaccination pour la tuberculose, là, on a vraiment des outils qui vont faire reculer ces grandes maladies et changer le paysage des maladies dans les pays. Donc, et on est le 100e anniversaire de la guerre de 14-18. Je pense que la guerre de 14-18 est un bon indicateur, une bonne indicatrice, si on peut dire, des progrès qui ont été réalisés, puisque on va commencer pendant cette guerre finalement à bénéficier déjà des résultats justement de l'approche pasteurienne, de ces disciplines, des progrès de la microbiologie. On va lutter bien plus efficacement contre les épidémies. Oui, bon, à part la grippe espagnole, oui, qui a joué un rôle important pendant cette guerre de 14-18. Mais là, on a parlé virus. Je peux ajouter un mot, parce qu'il se trouve qu'avec Annick Perrault, j'ai publié récemment un livre qui s'appelle « Le génie de Pasteur au secours des poilus ». Et deux exemples. C'est aux éditions Edith Jacob. La première chose, ça a été le vaccin contre la typhoïde. La typhoïde, c'était une maladie qui faisait toujours beaucoup de victimes, et particulièrement pendant les guerres. Et tout à fait au début de la guerre, il y a commencé à avoir une épidémie de typhoïde. Eh bien, l'Institut Pasteur s'est mis à produire en très grande quantité du vaccin contre la typhoïde. Et cela a sauvé certainement plus d'un million de personnes. Et l'autre exemple, c'est le sérum antitétanique. J'ai parlé de la sérothérapie contre le tétanos. Eh bien, c'est là... c'était très important, parce que le tétanos, il s'attrape à partir de spores qui sont dans la terre, et ces spores viennent généralement du crottin de cheval. Or, il y a eu quelque chose comme 8 millions de chevaux qui ont été utilisés pendant la Grande Guerre, donc du crottin de cheval partout, donc des spores de tétanos partout. En plus, il y avait des blessures très très profondes qui étaient faites par les nouvelles armes, donc les blessés couraient un très très grand risque d'avoir le tétanos, et mourir du tétanos, c'est vraiment horrible. Donc systématiquement, les blessés un peu graves étaient traités par le sérum antitétanique fait par l'Institut Pasteur. C'était la première finalement réalisation à grande échelle de ces progrès en médecine de guerre. Peut-être un mot pour dire aussi que très tôt d'ailleurs dans la volonté même de Pasteur, hein, Pasteur dit, il est donc certain que pour la France un seul établissement peut suffire. Pour l'Amérique du Sud, le Chili, le Brésil, l'Australie, il faudra évidemment former dans l'établissement de Paris de jeunes savants qui auront porté la méthode dans ces pays lointains. C'est-à-dire que dans la racine même de ce qu'est l'Institut Pasteur, dans la nature de cet établissement, il y a la volonté de transmettre, de diffuser la connaissance à travers le monde, Michel Morange. Oui, parce qu'à côté de la formation d'Institut Pasteur dans d'autres pays, il y a aussi la formation de chercheurs qui, dans leur propre pays, vont fonder des instituts qui ne seront pas des instituts Pasteur, mais qui seront des instituts qui auront un rôle majeur dans le développement de la lutte contre les maladies microbiennes. Par exemple, au Brésil, Oswaldo Cruz, qui a étudié à l'Institut Pasteur, suivi le fameux cours de microbie technique, eh bien, il va revenir au Brésil et il va fonder un institut qui, encore aujourd'hui, est un des instituts majeurs pour la lutte contre les maladies infectieuses. Donc, il y a ce deuxième canal d'influence à côté de l'action directe de l'Institut Pasteur, qui est d'avoir formé des chercheurs de nombreux pays. Maxime Schwartz, est-ce que vous m'autoriseriez le jeu de mots en disant que ça fait partie de l'ADN de l'Institut Pasteur, oui, que d'avoir une vocation internationale? Je dois dire que cette utilisation de l'ADN est un peu irritante. Mais il faut quand même revenir un tout petit peu sur le début des Instituts Pasteur dans le monde. Il y a eu cet épisode aux États-Unis, mais en fait les choses ont vraiment commencé avec Calmette, donc qui était effectivement un médecin de la marine et qui a été envoyé par Pasteur, ça devait être en 1890 ou quelque chose comme 91. Ça. 91, c'est la création. Il est parti en 90 pour aller protéger les populations locales contre la variole et contre la rage, ce qu'il a fait. Et tout en faisant ça, il a créé un laboratoire qui est devenu l'Institut Pasteur de Saïgon à l'époque, au Ho Chi Minh Ville aujourd'hui. Et puis ensuite, Yersin, après avoir découvert le bacille de la peste à Hong Kong, est venu créer un Institut Pasteur à Natrang, une autre ville d'Indochine. Mais il y a quelqu'un qu'on oublie beaucoup, qui a été totalement occulté, c'est un monsieur Adrien Loire. Loire était le neveu de la femme de Pasteur, et il a été recruté par Pasteur parce que, un peu comme petite main, parce que comme Pasteur pouvait plus travailler lui-même, il avait besoin de quelqu'un pour travailler avec lui. Donc il a commencé à travailler avec Pasteur sans avoir de diplôme au départ. Ensuite, il est devenu médecin. Mais cet Adrien Loire a d'abord été envoyé par Pasteur dès 1886 à Saint-Pétersbourg, parce qu'il y avait des Russes qui étaient venus se faire traiter contre la rage, et du coup le tsar a voulu avoir aussi un laboratoire antirabique à Saint-Pétersbourg. Donc il a été là-bas et il a créé plus ou moins un laboratoire qui est devenu l'Institut Pasteur de Saint-Pétersbourg. Ensuite il a été envoyé en Australie, où là le problème était de lutter contre les lapins, parce que bon, il y a toujours le problème des lapins aujourd'hui, il s'agissait d'utiliser un microbe, le microbe du choléra des poules, mais qui agissait aussi sur les lapins pour éliminer les lapins. Bon, il n'a pas pu faire ça parce que les Australiens n'ont pas voulu, ils avaient peur du choléra, entre guillemets, alors que ça n'avait rien à voir. Mais il a développé la vaccination contre le charbon et contre une autre maladie, la péripneumonie contagieuse bovine, et il a créé un Institut Pasteur en Australie qui a duré quelques années. Ensuite, il a été envoyé à Tunis et il a créé l'Institut Pasteur de Tunis, qui existe toujours. Après ça, il est parti dans ce qu'était la Rhodésie du Sud et qu'on appelle aujourd'hui le Zimbabwe. Il a créé un Institut Pasteur à Bulawayo, qui n'a pas duré très longtemps, mais il a quand même fait connaître les théories pasteuriennes. Il a fait des choses en Australie, en Argentine et au Brésil. Il a été professeur à Montréal. Tout ça, à chaque fois, ça a été pour diffuser la science pasteurienne dans le monde entier. Il a été complètement oublié. J'avais prévu d'en parler pour la fondation de l'Institut Pasteur de Tunis, donc vous voyez qu'il n'a pas été complètement oublié. Mais c'est intéressant parce que on est face à une démarche de diffusion du savoir qui ressemble évidemment, on ne peut pas ne pas faire le rapprochement avec des missionnaires, mais des missionnaires pour le coup, pour la bonne cause, Michel Morange. Ça fait penser un peu aux hussards de la République en ce qui concerne l'enseignement. Là, on a une autre catégorie de hussards, au fond, en ce qui concerne les applications médicales et le progrès médical, le progrès de la lutte contre les maladies. Et c'est vrai qu'il y a ça dans l'esprit de beaucoup de ces fondateurs des instituts pasteurs d'outre-mer, avec des vies qui étaient quand même aventureuses, risquées. Évidemment. C'est des récits tout à fait passionnants. Maxime Schwartz ? Oui, c'est exact. Et quand on parle du risque, il faut voir que lorsque Yersin va à Hong Kong pour essayer de trouver le bacille de la peste qu'il allait trouver, on a l'impression qu'à aucun moment il ne se pose la question de « est-ce que je risque pas d'attraper la peste moi-même ?» Au point d'ailleurs qu'il va découvrir le bacille de la peste dans une petite hutte qu'il a fait faire pour cela et dans laquelle il couchait et où faisait ses expériences. Et ensuite, il envoyait le bacille de la peste à Paris par la poste ordinaire. Quand on voit les précautions qu'on doit prendre aujourd'hui pour manipuler les bacilles de la peste, on est quand même étonné. Ce qui est intéressant, et puis on va y revenir, si on fait un rapprochement un peu anachronique, c'est que dans cette diffusion des instituts Pasteur dans la première moitié du XXe siècle, il y a une sorte de préfiguration de ce que va vouloir faire ou de ce que va incarner l'OMS après la Seconde Guerre mondiale, Maxime Schwartz. Oui, c'est certain. En fait, d'une certaine façon, l'Institut Pasteur a été un peu à l'origine de la création de l'OMS. C'est un élève de l'Institut Pasteur qui s'appelait Reichmann, qui a été en fait, il a été le directeur de ce qui était, je crois, la société, un élément de la Société des Nations qui s'occupait de la santé. Et pendant plusieurs années, même avant la Deuxième Guerre mondiale. The days of wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. The Days of Wine and Roses de la Fitzgerald sur France Culture à 16h35. Nous parlons tout au long de cette heure des 130 ans de l'Institut Pasteur. Nous en parlons avec Maxime Schwartz qui est ici avec nous, ancien directeur général de l'Institut Pasteur, chercheur au CNRS et à l'Institut, et avec Michel Morange qui est professeur émérite à Sorbonne Université et membre de l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et des Techniques. Alors, pour les 130 ans de l'Institut Pasteur, le comble aurait été que nous n'y fussions pas allés. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous vous êtes donc rendu au musée de l'Institut Pasteur, notamment Absolument. Dans les appartements personnels de Louis Pasteur et de sa femme. Oui, juste après l'inauguration, Louis Pasteur emménage dans les appartements construits spécialement pour lui et pour sa femme. Donc, il va y vivre pendant 7 ans où il poursuit ses travaux, où il reçoit ses proches collaborateurs, des médecins, des chercheurs et aussi des hommes politiques. Cet appartement a été tellement bien conservé qu'aujourd'hui c'est devenu un vrai musée. J'ai retrouvé la conservatrice Muriel Hiller-Soul qui m'a fait découvrir l'intégralité de l'appartement et où on ressent bien dans chaque pièce l'aura scientifique de Pasteur. Dans ce bâtiment historique, il y a aussi un appartement que l'on appellerait un appartement de fonction qui a été mis à la disposition donc des pasteurs, de monsieur et madame Pasteur, au moment de la création de l'Institut Pasteur. À Alors, ici, nous rentrons donc dans le musée. En fait, je devrais dire, nous rentrons dans l'appartement de monsieur et madame Pasteur, resté en l'état, qui, de fait, est devenu le musée de l'Institut Pasteur. Là, nous sommes donc dans la grande salle à manger, avec vraiment les meubles d'époque. Et évidemment, sur l'un des murs à droite, ce célèbre portrait qu'a fait Delfelt de Louis Pasteur, qui vient de mettre au point le vaccin contre la rage. C'est le portrait où on le voit tenir dans une espèce de fiole la moelle de lapin. Oui, dans ce petit flacon, c'est de la moelle de lapin contaminée qui va permettre de préparer les vaccins contre la rage. Alors, il y a aussi au mur un certain nombre de pastels de personnages du fin 19e siècle, évidemment. Et bien, en fait, ces magnifiques pastels précis de personnages, c'est Louis Pasteur qui les a faits, cela en l'occurrence à 14-15 ans. Et il va faire toute une série de pastels, dont ses parents. Mais je crois qu'on peut déjà insister sur ce côté observation. On dit souvent que Pasteur est un expérimentateur et ça résidait aussi dans ses capacités d'observation. Exactement. Et de compréhension de la nature. Exactement. Pasteur est quelqu'un qui observe beaucoup. Et ça, vraiment, l'observation, c'est vraiment aussi une qualité qui va grandement lui servir après dans ses travaux de recherche. Alors là, vous voyez, cet appartement, c'est vraiment un petit musée d'art décoratif. Alors là, nous sommes dans ce qu'on appelait le cabinet de travail. On voit déjà des instruments, des loupes, des ciseaux, ah, voilà, on voit des instruments de mesure. On voit vraiment tout ce qu'il utilise à l'époque, son petit coupe-papier, sa loupe. C'est comme là, s'il avait quitté son bureau, qu'il allait revenir pour s'installer et continuer, voilà. Alors, nous allons monter à l'étage pour aller voir la deuxième partie de l'appartement. Allons-y. Alors, à ce niveau-là, en fait, ce sont les pièces les plus intimes. Donc, vous avez déjà, de suite, en arrivant au l'escalier, donc un petit salon. Vous trouvez aussi donc une salle de bain, deux chambres. Là, on entre dans la salle des souvenirs scientifiques. Oui. Alors, donc, une fois que l'on est passé un petit peu dans la vie intime des Pasteurs, on découvre cet endroit. Donc, c'était à l'époque de l'appartement une lingerie qui a été transformée en salle des souvenirs scientifiques pour y installer des objets originaux qui vont raconter l'œuvre de Pasteur, de ses premiers travaux de chimiste jusqu'à la mise au point du vaccin contre la rage, mais qui vont raconter vraiment cette histoire avec un certain nombre d'objets, d'ustensiles, des choses qui ont été utilisées par Louis Pasteur pour mener à bien ses travaux. En fait, donc Pasteur s'intéresse beaucoup à la chimie, et en fait, il y a un mystère à cette époque-là, c'est que des grands chimistes de l'époque ne comprennent pas comment des cristaux qui ont l'air vraiment équivalents, certains dévient la lumière polarisée, d'autres pas. Bon, Pasteur va travailler donc à l'étude d'un certain nombre de cristaux, et en effet, dans cette vitrine, vous voyez en effet un certain nombre de cristaux, il va travailler en effet sur le tartrate et le paratartrate, donc vous voyez ici par exemple de la crème de tartre. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Pasteur aussi, il va faire de la chimie, mais là, avec une ouverture un peu plus grande, avec un peu d'interdisciplinarité. Parce qu'il va faire de la chimie avec des microscopes, avec ses yeux, mais il va utiliser aussi les outils des physiciens et notamment des polarimètres, comme celui que vous avez ici. Mais à partir du moment où il s'intéresse sur les cristaux, il va travailler aussi avec les outils des cristallographes et notamment des goniomètres qui permettent de mesurer aussi les angles. Donc déjà, vous voyez, il y a un croisement de disciplines pour arriver à comprendre ce qu'est la dissymétrie moléculaire. Donc après ces travaux de chimiste, Pasteur va s'intéresser sur la thématique des fermentations. Alors là, il a déjà compris qu'un être microscopique peut causer une maladie. Donc il faut dire qu'à cette époque-là, la rage, c'est une maladie mortelle, mais qu'on ne croise pas à chaque coin de rue. Il y a des maladies beaucoup plus mortelles à cette époque-là. Mais être mordu par un animal qui a la rage, développer la maladie et mourir de la rage, c'est horrible. C'est une maladie du système nerveux central, les gens sont agressifs, ils perdent leur esprit. Vraiment... C'est une maladie qui impressionne beaucoup Pasteur, en fait. Oui, c'est une maladie qui impressionne Pasteur et qui impressionne beaucoup tout le monde. Donc Pasteur se dit, eh bien, je vais travailler, pour essayer de mettre au point ce vaccin, je vais travailler avec des moelles de lapin contaminées qu'il va exposer à l'action de l'air dans un flacon. Et comme on est toujours dans la logique de l'atténuation de la virulence du virus, et il va donc mettre au point un vaccin grâce à ce système d'atténuation de la virulence avec différentes moelles de moins en moins, enfin de plus en plus virulentes pour déclencher ce que l'on comprendra bien plus tard sur toutes les questions de l'immunité. Et après ces premières vaccinations sur les humains, des centres antirabiques se développent et puis ils vont commencer à s'implanter en Europe et puis sur les autres continents. Oui. Tout de suite, l'idée, c'est de partager cette découverte. Donc très rapidement, il faut absolument aller au plus près sur le terrain pour mettre en place des centres de vaccination antirabique. Et c'est vraiment toute la grande histoire pasteurienne encore aujourd'hui qui fait suite à la démarche, la volonté, l'humanisme de son créateur au départ. Voilà, le musée Les Appartements de Louis Pasteur que vous pouvez toujours visiter rue du Docteur Roux à Paris dans le 15e arrondissement. Un mot peut-être sur ces appartements qui sont... On a mis quelques photos sur notre fil Twitter, Maxime Schwartz, qui sont quasiment en l'état. Effectivement, on pourrait presque voir Pasteur, le fantôme de Pasteur passer d'une pièce à l'autre. Oui, c'est tout à fait exact, mais j'en profite pour dire un mot d'une autre maison Pasteur qui est à Arbois et qui est tout à fait extraordinaire parce que malgré tout, le musée Pasteur à Paris, ces dernières années de Pasteur, un moment où il ne travaillait plus lui-même vraiment, mais il y a à Arbois la maison où il allait tous les étés, où il a fait les expériences notamment sur le vin, etc. Et là aussi, on s'attend à rencontrer Pasteur dans chaque pièce. On va reprendre le fil de notre histoire qu'il va falloir presser un peu puisqu'il nous reste un quart d'heure à peine pour raconter un demi-siècle d'histoire de l'Institut Pasteur. Ça va être un condensé, disons, à moins que faire une autre émission. Peut-être pour reprendre le sortir de la guerre, on disait tout à l'heure, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est la création de l'OMS, Michel Morange, et c'est, on va dire... pour accélérer un peu le pas, le début de ce qu'on va appeler l'ère mono, qui va marquer aussi, qui va être un peu le Pasteur de cette deuxième moitié de XXe siècle. Oui, alors juste après la Seconde Guerre mondiale, l'ère mono, c'est un petit raccourci. Mono, c'est 70, c'est les années 70, donc il y a quelques années. Son travail va être reconnu, oui. Effectivement, un peu après. Mais c'est effectivement l'époque où la biologie moléculaire, cette nouvelle approche du vivant, prend son essor. En particulier aux États-Unis, en Grande-Bretagne, mais aussi en France, et de manière surprenante à l'Institut Pasteur. Je dis surprenante parce que on ne s'attendait pas à ce que la France participe tellement à ce mouvement rétrospectivement, parce que certaines disciplines qui ont été essentielles au développement de la biologie moléculaire, la biochimie, la génétique, avaient été très peu développées en France. Donc il y a un paradoxe à ce que, malgré cela, l'Institut Pasteur et ses équipes, Monod, Jacob, André Wolff, aient eu une telle contribution dans l'essor de la biologie moléculaire. Je pense que ce paradoxe peut être résolu par deux aspects. D'une part, l'Institut Pasteur laissait une grande liberté de recherche à ses chercheurs, ne leur apportait peut-être pas toujours les financements qu'ils auraient souhaités, au moins dans ces années-là, mais en tout cas leur laisser une grande liberté de recherche qui a permis justement à André Lvoff en particulier et puis à Monod et Jacob de développer leurs travaux de manière indépendante. Et puis je pense que au-delà de ça, il y avait des traditions pasteuriennes qui vont se révéler très importantes pour le développement de l'École française de biologie moléculaire, puisque les phénomènes sur lesquels vont travailler les chercheurs français, l'adaptation enzymatique, donc comment les bactéries ou les levures peuvent s'adapter à une nouvelle source nutritive, ou la lysogénique, l'interaction entre les virus de bactéries et les bactéries, les phages et les bactéries, se produit, eh bien ces deux lignes de recherche étaient des lignes typiquement pasteurienne, l'une remontant jusqu'à Pasteur, l'autre remontant à Félix Derel, le découvreur ou co-découvreur du bactériophage. Donc il y a une alliance entre une tradition pasteurienne, une grande ouverture du laboratoire, une grande indépendance et une grande ouverture au monde extérieur et à ce qui se passait ailleurs. Maxime Schwartz, sur parce que le prix Nobel de Monod, Jacob et Wolff, c'est 65, donc c'est des travaux qui s'initient dans les années 50. Ou même plus tôt que ça. C'est vrai que Monod avait déjà commencé pendant les années de la guerre. Mmh. C'était l'étude des cultures bactériennes qui l'a conduit. Jacob, c'était un peu plus tard, puisqu'il a commencé à travailler après la Deuxième Guerre mondiale et qu'il a été recruté. Donc c'est dans les années 50 que l'essentiel s'est produit. On peut dire que la grande découverte en biologie moléculaire, ça a été en 53 quand Watson et Crick ont trouvé la structure de l'ADN et ont montré comment cette structure, à la fois cet ADN pouvait coder quelque chose, donc aboutir finalement à la synthèse des enzymes, qui sont des éléments essentiels de toutes les cellules, que chaque cellule étant une usine chimique, et d'autre part, comprendre comment cet ADN pouvait se dupliquer et donc avoir deux molécules filles qui partaient chacune dans une des cellules lors de la division cellulaire. Bon. Mais on avait donc l'ADN, on comprenait qu'il était le support de l'hérédité, mais il s'agissait de comprendre ensuite comment cet ADN allait être exprimé, l'ADN possédant les gènes. Et le fond du travail de l'équipe Jacob Monod, c'était d'abord de mettre en évidence un intermédiaire entre l'ADN et le produit final qui sont les enzymes, qui était l'ARN messager, qui ont fait beaucoup de copies, disons, du gène pour pouvoir le lire. Et ensuite, ça a été de proposer un mécanisme pour contrôler l'expression des gènes. Et ça, c'était capital. Parce que dans le cas des bactéries, on voyait que, par exemple, si on cultivait une bactérie en l'absence d'un produit, un sucre qui s'appelle le lactose, la bactérie ne contient pas les enzymes pour utiliser le lactose. Mais si on ajoute le lactose, la bactérie commence à faire ces enzymes-là. Donc ça veut dire que le gène qui fabrique les enzymes se met en route à la demande. Et c'est, ils ont proposé donc un mécanisme permettant d'expliquer ce contrôle. Mais plus généralement, si on regarde le cas des organismes eucaryotes, comme nous tous, eh bien, toutes nos cellules ont le même matériel génétique, et pourtant elles sont différentes. Une cellule de peau, c'est pas une cellule de foie, c'est pas, etc. Donc, il fallait qu'il y ait des mécanismes qui permettent une expression différentielle des gènes dans les différentes cellules pour qu'elles soient différentes. Donc c'est ça le fond des travaux de l'équipe Jacob Monod qui ont été extrêmement importants. Ils sont à l'origine, en grande partie, de la biologie moléculaire. Et pour parler de Monod un peu, et puis je me permets juste d'ajouter un petit mot. C'est vrai, quand on parle de la structure en double hélice de l'ADN de Watson et Crick, j'aime toujours rajouter Rosalind Franklin, qui est l'une des grandes oubliées de l'histoire des sciences dont on avait parlé ici. Et je trouve ça toujours assez important de rappeler qu'elle a aussi nettement contribué à ces travaux-là. Pour parler de l'ère Monod, est-ce que vous êtes d'accord, Maxime Schwartz, pour dire qu'effectivement, il a vraiment, et pas uniquement au cours de sa direction de l'Institut Pasteur de 71 à 76, mais même dans l'esprit, finalement, réincarné un peu l'esprit pasteurien dans cette deuxième partie du XXe siècle. Oui, c'est certain. L'Institut Pasteur a traversé une assez mauvaise passe après la guerre. Il y a eu relativement peu de découvertes importantes, il n'y avait pas de fonds, etc. Et le Monod a été capable de remonter complètement l'Institut Pasteur, de trouver des nouvelles sources de financement, de développer l'industrie pasteurienne qui apportait des fonds, de lancer des collectes de fonds qui ont permis aussi de remonter les choses. Et dans le domaine des Instituts Pasteur extérieurs, il a fait quelque chose de très important. Jusqu'alors, on avait, disons, des relations bilatérales entre chaque institut de l'étranger et l'institut à Paris. Et il a créé quelque chose à quoi j'ai donné moi-même le nom de réseau international des instituts Pasteur. Le RIIP. Voilà, mais ça, c'est moi qui l'ai créé, c'est pas Monod, je veux dire le nom. Mais enfin, donc, de créer une association avec des réunions annuelles des directeurs, avec le début de programmes communs, etc. Donc, ça a changé l'esprit des choses. C'était pas le patron à Paris et les satellites autour, c'est vraiment devenu un réseau distribué. Voilà. Et puis, alors, c'est terrible de passer aussi vite parce qu'on pourrait faire une heure quasiment sur chacune de ces périodes-là, mais j'aimerais parler un peu avec vous, Maxime Schwartz, des années 80, forcément, parce que c'est l'époque où vous y êtes entré avant de prendre la direction en 88. C'est aussi en 83 l'autre grand moment scientifique de l'Institut Pasteur, l'identification du VIH par l'équipe de Luc Montagnier, Françoise Barré-Sénoussi et Jean-Claude Sherman. Vous y étiez, j'ai envie que vous nous en parliez un peu, parce que c'est un moment particulier de l'histoire de la biologie. Je précise juste une chose, je suis entré à l'Institut Pasteur en 63 et pas dans les années 80. Oui, non, bien sûr, non, mais je parle des années 80 parce que vous d'accord, nous sommes d'accord. Non, ben, ça a été effectivement quelque chose d'extrêmement important pour faire remonter, disons, l'Institut Pasteur dans la connaissance internationale. Vous savez qu'il y a eu tout ce débat entre Gallo, Montagnier à l'époque, mais c'est effectivement... Robert Gallo aux États-Unis. Sur la paternité de la découverte. Donc il y a eu beaucoup de problèmes. Là aussi, d'ailleurs, j'ai écrit un livre avec Jean Castex sur ce sujet. Effectivement, l'équipe de Montagnier, et là c'était Montagnier personnellement, ont accepté d'essayer de trouver quelle était l'origine de cette maladie dont on ne savait à peu près rien, dont on avait compris qu'elle était infectieuse et contagieuse. Et je dois dire que ça s'est pas fait sans mal dans la communauté pasteurienne. Je me souviens de mon propre département de recherche de biologie moléculaire, où il y a eu un conseil de département, et quand on a appris que l'équipe de Montagnier se mettait à travailler sur ce sujet, ben on n'était pas tranquille, parce que on n'était pas comme Yersin qui partait à Hong Kong étudier la peste. Là, on amenait à l'Institut Pasteur un microbe dont on ne savait pas encore trop à l'époque comment il s'agissait, comment transmettre. Donc ça n'a pas été évident, mais ils ont le courage de faire. Et ça, Montagnier et son équipe ont trouvé le virus. Malheureusement, il y a eu ce problème avec Gallo, mais ça a été extrêmement important. Et à partir de la découverte du virus, on a pu mettre au point des tests de diagnostic et puis trouver un certain nombre de médicaments qui permettent d'atténuer beaucoup la maladie. Malheureusement, on s'est mis d'emblée à chercher un vaccin contre le sida, mais personne n'y est encore vraiment arrivé. Et on en a parlé aussi à de nombreuses reprises de l'avancée des recherches dans la lutte contre le VIH autour de ce micro. Un mot pour arriver au présent, quels sont selon vous l'un et l'autre, Maxime Schwartz, Michel Morange, les défis aujourd'hui en 2018 de l'Institut Pasteur dans la recherche, qu'elle soit dans des domaines émergents comme l'immunothérapie, dans lequel l'Institut Pasteur est en très bonne position, mais également dans sa place dans la recherche en biologie dans le monde. Michel Morange, votre sentiment ? Je pense que un des premiers thèmes très importants de recherche, c'est les maladies émergentes. Après, on a eu l'espoir, au fond, dans les années 60, qu'on avait combattu les maladies, qu'on avait maintenant les antibiotiques, et qu'au fond, les maladies infectieuses étaient derrière nous. Et puis, il y a eu le virus du sida, et puis de nombreuses maladies émergentes depuis. Et il est clair aujourd'hui que on aura affronté de nouvelles maladies dans le futur et que les outils qu'on avait, comme les antibiotiques, malheureusement, ont montré leurs limites, disons du moins, ont créé des résistances qui restreignent aujourd'hui leur capacité de guérir. Donc, faire face aux maladies émergentes et éventuellement trouver de nouveaux moyens de lutter contre les maladies infectieuses reste une priorité importante. L'autre dimension que je verrai, mais il y en a beaucoup, c'est que il faut prendre en compte sans doute beaucoup plus qu'on ne le faisait avant, une sorte de totalité, une vision plus systémique du corps humain en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement développé à l'Institut Pasteur, en particulier avec les liens recherchés entre ce fameux microbiote, donc cette population bactérienne intra-intestinale, et un certain nombre de pathologies, en particulier au niveau du système nerveux, qui pourraient être liées à des altérations de ce microbiote. Donc voilà au moins deux sujets qui sont importants et qui sont poursuivis à l'Institut Pasteur, mais il y en a beaucoup d'autres. Maxime Pouard, votre sentiment à ce propos ? Je suis évidemment d'accord avec ceci. J'ajouterais qu'il y a des domaines que l'Institut Pasteur a commencé à s'intéresser déjà il y a plusieurs années, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les maladies infectieuses, ni avec l'immunologie. En première analyse, c'est par exemple la neurobiologie. Et ça, c'est Jean-Pierre Changeux, un des élèves de Monod, qui a vraiment démarré ça à l'Institut Pasteur. Ça s'est beaucoup développé. Et il est sûr que des maladies comme Parkinson, Alzheimer, etc., toutes ces maladies neurodégénératives, c'est un très gros problème de santé publique qui augmente en même temps que la population vieillit, d'ailleurs. Et donc, il y a des travaux en cours dans ces domaines. Et c'est certainement une des choses très importantes. Pour clore cette émission, je voulais la clore avec les mots de Louis Pasteur, qui me semblent être des mots qui résonnent de manière particulière aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons. « N'avancez rien qui ne puisse être prouvé d'une façon simple et décisive. Ayez le culte de l'esprit critique. Sans lui, tout est caduque. Il a toujours le dernier mot. » Maxime Schwartz, qu'est-ce que ça vous inspire, ces mots de Pasteur en 2018 ? Il ne suffit pas d'avoir des théories. Beaucoup de gens ont des théories, des hypothèses, mais tant qu'on n'a pas des faits qui démontrent ces théories ou ces hypothèses, eh bien, ça ne conduit à rien. Michel Morange ? Et je crois que ça montre que chez Pasteur, la conviction profonde était que la science, l'expérience sont vraiment les moteurs de la connaissance. On présente parfois Pasteur comme un esprit marqué par la religion, la métaphysique. En réalité, Pasteur était profondément convaincu que c'était la science, la connaissance scientifique qui livrerait les clés de notre compréhension du monde. Je crois que c'est quelque chose que nous pouvons partager avec Louis Pasteur de façon très humble, mais en tout cas, ayez le culte de l'esprit critique, c'est tout ce que nous vous souhaitons. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous parler de ces 130 ans de l'Institut et des Instituts Pasteur. Merci beaucoup, Maxime Schwartz. Merci infiniment, Michel Morand. Je rappelle également que si vous voulez vous plonger dans cette histoire, il y a un très beau livre qui a été publié par l'Institut Pasteur, aux éditions de La Martinière. Institut Pasteur, recherche d'aujourd'hui, médecine de demain. Voilà, on va vous mettre ce lien, comme toujours, sur notre fil Twitter. Merci également, comme tous les jours, à la chouette équipe de la méthode scientifique, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Villefranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Tom Imdenstock, Massimo Bellini à la réalisation, Amine El Mansari à la technique. Et dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain c'est un vendredi consacré à la fiction, nous allons nous plonger, que dis-je, nous allons nous immerger dans une encyclopédie passionnante, immense, pantagruélique, presque tout l'univers de l'anticipation francophone réuni dans deux beaux, grands et imposants volumes. Nous recevrons demain les auteurs de l'encyclopédie Rétrofiction. Ce sera à 16h jusqu'à preuve du contraire.